20 000 lieues sous les mers. C'est la consternation dans les eaux du Pacifique. Depuis quelque temps, un monstre énorme et infiniment plus rapide qu'une baleine se heurte à de nombreux navires. Le choc est même si violent que certains d'entre eux sont engloutis avec tout leur équipage. Alors que le monde entier s'interroge sur l'existence de cette créature phénoménale, le professeur Aronnax, lui, a peut-être une réponse. Laissons-lui alors la parole. À l'époque où ces événements se sont produits, je revenais d'une exploration scientifique entreprise dans les terres du Nebraska. Néanmoins, j'étais parfaitement au courant de l'histoire, car tous les journaux, qu'ils soient américains ou européens, détaillaient le phénomène sans apporter, hélas, de véritables explications. Et, en ma qualité de professeur au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, plusieurs personnes m'ont donc fait l'honneur de me consulter. J'avais en effet publié en France « Les mystères des grands fonds sous-marins », qui faisait de moi un spécialiste du monde sous-marin. Après avoir examiné les diverses hypothèses, je concluais à l'existence d'un animal marin d'une puissance exceptionnelle, un narwal géant appelé aussi licorne de mer. Cet animal est armé d'une sorte d'épée d'ivoire. C'est une dent principale qui a la dureté de l'acier, à tel point qu'on en a trouvé certaines plantées dans des carènes de vaisseaux. Mais voilà qu'un jour, à New York, on apprend qu'un steamer a vu l'animal dans les eaux septentrionales du Pacifique. Le gouvernement américain décide alors de préparer une expédition afin de purger l'océan de ce redoutable monstre. L'expédition est confiée au valeureux Farragut, commandant de la frégate, l'Abraham Lincoln. Je suis invité à me joindre à l'expédition. Revenant cependant d'un pénible voyage, je n'aspirais plus qu'à revoir mon pays, mes amis, mon petit logement du Jardin des Plantes et surtout mes précieuses collections minéralogiques, botaniques et zoologiques. J'avoue que cette invitation me fait tout oublier et je suis même si impatient de partir que je crie à mon domestique « Conseil, prépare nos affaires, nous partons dans 2 heures !» Comme il paiera à monsieur. Âgé d'une trentaine d'années, Conseil m'accompagne dans tous mes voyages, sans jamais se plaindre de la longueur ou de la fatigue. Il est régulier par principe, zélé par habitude, s'étonne peu des surprises de la vie et, en dépit de son nom, ne donne jamais de conseils. Néanmoins, il a des fois agaçant. Formaliste enragé, il ne me parle qu'à la troisième personne. À peine sommes-nous montés à bord de l'Abraham Lincoln que je suis chaleureusement accueilli par le commandant Farragut. Quelques minutes plus tard, la frégate quitte les quais de Brooklyn sous des milliers de hurrahs. Et en franchissant les eaux de l'Hudson, l'hélice du navire bat soudain plus rapidement les flots et à 8 heures du soir, il court enfin à toute vapeur sur les sombres eaux de l'Atlantique. À bord de l'Abraham Lincoln, tout l'équipage ne demande qu'à rencontrer le narwal, le harponner et le dépecer, mais aussi pour les 2000 dollars promis à celui qui signalerait l'animal. Quant à la frégate, le commandant Farragut l'a soigneusement pourvue d'appareils propres à chasser le gigantesque cétacé. Sur le gaillard d'avant s'allonge un canon capable d'envoyer un boulet à une distance de 16 km. On le voit, l'Abraham Lincoln ne manque d'aucun moyen de destruction. Mais il a encore mieux. Il a Ned Land, le roi des harponneurs. Ned Land est un Canadien d'une habileté peu commune. Il possède adresse et sang-froid, audace et ruse. Et il faut être une baleine bien maligne ou un cachalot singulièrement astucieux pour échapper à son coup de harpon. Âgé d'une quarantaine d'années, Ned Land est un homme de grande taille, peu communicatif et même parfois violent. Après des jours et des jours de voyage, l'Abraham Lincoln navigue enfin sur les eaux du Pacifique là où a été aperçu l'animal. Désormais, je ne quitte plus le pont du navire. Et quand une baleine élève son dos noirâtre au-dessus des flots, je la regarde avancer à en user maritime, tandis que Conseil, toujours flegmatique, me répète « Si monsieur voulait avoir la bonté de moins écarquiller ses yeux, monsieur verrait bien davantage. » Ned Land, lui, accorde peu de crédit à toutes ces histoires, passe son temps à lire ou à dormir dans sa cabine. Un jour, je lui reproche son indifférence, mais il me répond aussitôt « Bah, monsieur Aronnax, il n'y a rien. Ne courons-nous pas à l'aventure. On a revu, dit-on, cette bête introuvable dans les hautes mers du Pacifique. Je veux bien l'admettre. Mais 2 mois déjà se sont écoulés depuis cette rencontre, et à s'en rapporter au tempérament de votre narval, il n'aime point à moisir longtemps dans les mêmes parages. Donc, si la bête existe, elle est déjà loin. » Je me demande si le harponneur n'a pas raison. Du reste, l'équipage commence à se lamenter et le commandant Farragut parle même de rentrer. À mon tour, découragé, je dis à Conseil « C'est une sotte affaire dans laquelle nous nous sommes lancés trop légèrement. Que de temps perdu, nous serions déjà rentrés en France. Dans le petit appartement de monsieur et dans son muséum, et j'aurais déjà classé les fossiles de monsieur, mais je me permets de dire à monsieur que quand on est un savant, on ne s'expose pas à... » Conseil ne peut achever son compliment. La voix tonitruante de Ned Land retentit. « Hé, la chose en question, là, à tribord !» À ce cri, l'équipage tout entier se précipite vers le harponneur. Aussitôt, l'ordre de stopper est donné. Mon cœur bat à se rompre. À 2 encablures de l'Abraham Lincoln, la mer semble illuminée par-dessous. Un fait inexplicable, souvent mentionné par de nombreux capitaines. Soudain, l'animal fait le tour de la frégate, puis s'éloigne de 2 ou 3 milles. Tout à coup, le voilà qui fonce vers l'Abraham Lincoln avec une effrayante rapidité, puis s'arrête brusquement, avant de reparaître de l'autre côté du navire. À chaque instant, une collision peut se produire qui nous serait à coup sûr fatale. Vers minuit, cependant, il disparaît. Mais, à 1h-7 du matin, un sifflement assourdissant se fait entendre, semblable à celui que produit une colonne d'eau chassée avec une extrême violence. Appelé par le commandant, Ned Land écoute attentivement ce curieux bruit, puis annonce « Je n'ai jamais entendu des baleines faire autant de bruit en rejetant l'eau de leurs évents. C'est bien un cétacé qui se tient sous nos eaux. Monsieur, avec votre permission, je vais lui dire 2 mots du bout de mon harpon. Forcez la vapeur si vous le pouvez. » La vitesse de l'Abraham Lincoln s'accroît rapidement. Mais le cétacé file, hélas, aussi vite. À plusieurs reprises, le Canadien s'apprête à lancer son harpon. Quand d'un violent coup de queue, le monstre se dérobe d'un côté ou de l'autre du navire. Le commandant décide alors de braquer le canon sur l'animal. Hélas, le boulet frappe bien le cétacé, mais il glisse sur sa peau et va se perdre à 2000 en mer. La nuit est maintenant tombée et l'animal semble enfin immobile. C'est le moment que choisit Ned Land pour intervenir. Je le vois accroché d'une main à une corde, de l'autre brandissant son terrible harpon. 20 pieds à peine le séparent du cétacé. Tout à coup, son bras se détend violemment. Le harpon est lancé. Mais au bruit, il semble qu'il a heurté un corps dur. Soudain, 2 énormes trompes d'eau s'abattent sur le pont de la frégate. Un choc effroyable se produit et je suis aussitôt précipité à la mer. Après avoir été entraîné à une profondeur de 20 pieds, je réussis péniblement à revenir à la surface. Mais il fait nuit et j'entrevois une masse noire qui disparaît vers l'est. C'est la frégate. Je me sens perdu. Mes vêtements imprégnés d'eau paralysent mes mouvements. Alors que je commence à me noyer, je me sens violemment tiré hors de l'eau et j'entends « Si monsieur veut avoir l'extrême obligeance de s'appuyer sur mon épaule, monsieur nagera beaucoup plus à son aise. » Je saisis d'une main le bras de mon fidèle Conseil et lui demande étonné « Tu as été précipité en même temps que moi à la mer ?»« Nullement. » Mais au service de monsieur, j'ai suivi monsieur. Quant à la frégate, je crois que monsieur fera bien de ne pas trop compter sur elle. J'ai entendu les hommes de bar crier que l'hélice et le gouvernail étaient brisés par la dent du monstre. C'est la seule avarie, je pense, que l'Abraham Lincoln ait éprouvée. Mais, circonstance fâcheuse, il ne gouverne plus. Oh, alors nous sommes perdus. Peut-être. Cependant, nous avons encore quelques heures devant nous. Et en quelques heures, on fait bien des choses. L'imperturbable sang-froid de Conseil me remonte et je me mets à nager vigoureusement. Mais au bout de plusieurs heures, épuisé, nous sommes au bord de la noyade. Soudain, j'entends une voix humaine. Est-ce la voix de quelque autre naufragé du navire? Ou une embarcation de la frégate venue nous secourir? Je ne saurais le dire, car je commence à sombrer. Mais à cet instant précis, je sens un corps dur me heurter, et dans un effort surhumain, je parviens à m'y cramponner, puis à remonter à la surface. À moitié évanoui, je reconnais le harponneur et lui demande d'une voix faible « Vous aussi, vous avez été précipité à la mer ?»« Ouais, monsieur le professeur, mais plus favorisé que vous, j'ai pu prendre pied presque immédiatement sur un îlot flottant, ou pour mieux dire, sur votre narwal gigantesque. »« Expliquez-vous, Ned. » J'ai bien vite compris pourquoi mon harpon n'a pu l'entamer. » Devant mon air ébahi, le Canadien ajoute « Cette bête-là, professeur, est faite en tôle d'acier. » Abasourdi, je me hisse au sommet de l'objet à demi immergé qui nous sert de refuge. Je l'éprouve du pied. C'est en effet un corps dur, impénétrable, et non pas cette substance molle qui forme la masse des grands mammifères marins. Le doute n'est plus possible. Le monstre, qui a intrigué le monde savant tout entier, est bien une sorte de bateau sous-marin. L'esprit un peu mieux éclairé, je demande à Ned Land, « Mais alors, cet appareil renferme en lui un mécanisme de locomotion et un équipage ?»« Évidemment. Et néanmoins, depuis 3 heures que j'habite cette île flottante, elle n'a pas donné signe de vie. » Je m'apprête à examiner la plateforme de ce curieux bateau quand je le sens s'enfoncer. Le harponneur se met aussitôt à hurler qu'on nous ouvre. Mais il est impossible de se faire entendre au milieu des battements assourdissants de l'hélice. Heureusement pour nous, le mouvement d'immersion s'arrête. Puis une plaque se soulève, un homme apparaît et nous apercevant, jette un cri bizarre avant de s'enfuir. Quelques instants plus tard, 8 solides gaillards nous entraînent dans leur formidable machine. Un frisson me glace l'épiderme à l'idée d'être enfermé dans cette prison flottante. À qui avons-nous affaire? Sans doute à quelques pirates d'une nouvelle espèce. À peine l'étroit panneau est-il refermé sur nous qu'une obscurité profonde nous enveloppe. Furieux, le Canadien s'écrie « Mille diables! Voilà des gens qui n'ont aucune notion de l'hospitalité! Il ne leur manque plus que d'être anthropophages !» Toujours très calme, Conseil lui répond aussitôt « Calmez-vous, Ned. Nous ne sommes pas encore dans la rôtissoire. » « Dans la rôtissoire, non, mais dans le four. Il y fait assez noir. Heureusement, j'ai toujours mon couteau. Et le premier de ces bandits qui met la main sur moi... » Au bout d'une demi-heure, une violente lumière nous aveugle. Puis on entend un bruit de verrou et 2 hommes apparaissent. Le plus grand nous examine avec une extrême attention, puis s'entretient avec son compagnon dans une langue inconnue. Nous tentons alors de leur demander ce que l'on fait dans cet étrange sous-marin. Mais les 2 hommes repartent en claquant la porte. Ned Land, lui, laisse éclater sa colère. C'est une infamie, comment ? On leur parle français, anglais, allemand et même latin, et il n'y en a pas un qui ait la civilité de répondre. Mais enfin, dans tous les pays de la Terre, ouvrir la bouche et remuer les mâchoires ne veut-il pas dire « J'ai faim, donnez-moi à manger !» À croire que le Canadien a été entendu, car tout à coup, un steward entre et apporte des plats. Esquissant un sourire, Conseil annonce au harponneur « Voilà quelque chose de sérieux, cela s'annonce bien. » « Bon, que diable voulez-vous qu'on mange ici, hein ? Du foie de tortue, du filet de requin, du beefsteak de chien de mer ?» Malgré la finesse des mets, je dois dire que le pain et le vin nous manquent déjà. Mais où sommes-nous? Quelle étrange puissance nous emporte vers les couches les plus reculées de la mer? Après une nuit de sommeil agité, je fais part de mes réflexions à mes compagnons. Je suppose que le hasard nous a rendus maîtres d'un secret important. Or, si l'équipage de ce bateau sous-marin a intérêt à le garder, et si cet intérêt est plus grave que la vie de trois hommes, je crois notre existence compromise. Dans le cas contraire, le monstre qui nous a engloutis nous rendra au monde habité par nos semblables. Il ne nous reste qu'à attendre. Mais le harponneur est d'un avis contraire. Non, non, professeur, il faut nous sauver. Ned, se sauver d'une prison terrestre est souvent difficile, mais d'une prison sous-marine, cela paraît absolument impraticable. Soit. Alors nous tenterons de nous emparer de ce bâtiment. C'est impossible. On ne peut agir que par ruse. Et ce n'est pas en vous emportant que vous ferez naître des chances favorables. Ned Land a beau promettre de rester calme, je sens néanmoins une colère sourde monter en lui. Les heures s'écoulent et on entend des pas résonner sur la dalle de métal. Puis la porte s'ouvre, laissant apparaître le visage du steward. Ah ! Comme un fou, le Canadien se précipite sur lui et le saisit à la gorge. Conseil et moi, nous nous ruons alors sur notre compagnon, quand je suis cloué sur place par ces mots prononcés en français. Calmez-vous, Maître Land. Et vous, monsieur le professeur, veuillez m'écouter. Je suis le capitaine Nemo. Et je commande ce sous-marin. Comme vous le constatez, je parle votre langue. Et lorsque vous vous êtes présenté lors de notre première entrevue, j'ai tout compris. Même si je ne l'ai pas laissé entrevoir. Les plus fâcheuses circonstances vous ont mis en présence d'un homme qui a rompu avec l'humanité. Vous êtes venu troubler mon existence. Involontairement. Involontairement. Est-ce involontairement que l'Abraham Lincoln me chasse sur toutes les mers? Est-ce involontairement que vous avez pris passage à bord de cette frégate? Est-ce involontairement que vos boulets ont rebondi sur la coque de mon navire, le Nautilus? Enfin, est-ce involontairement que Maître Ned Land l'a frappé de son harpon? Vous comprenez donc, monsieur, que j'ai le droit de vous traiter en ennemi. Vous resterez à bord, puisque la fatalité vous y a jeté. Vous êtes venu surprendre un secret que nul homme au monde ne doit pénétrer. Le secret de toute mon existence. Ainsi, à partir de ce jour, vous entrez dans un nouvel élément et vous verrez ce que n'a vu encore aucun homme. Stupéfait et néanmoins très en colère, je réplique. Ainsi, monsieur, nous sommes vos prisonniers. Absolument. Mais vous aurez la liberté d'aller, de venir, d'observer ce qui se passe ici. Maintenant, si vous voulez visiter le Nautilus, je suis à vos ordres. Pendant que Conseil et Ned Land sont conduits à leur cabine, le capitaine Nemo me mène à sa bibliothèque où pas moins de 12 000 livres de science abondent. En tant que scientifique, j'éprouve une réelle admiration pour tous ces trésors mis à ma disposition. Après une minutieuse visite de l'appareil, le capitaine Nemo me précise. Je dois tout à l'océan. Il produit l'électricité. Et l'électricité donne au Nautilus la chaleur, la lumière, le mouvement. Et quand j'ai besoin d'air, je remonte à la surface de la mer pour y respirer, comme le font les baleines. Contrairement à vos navires, ici, pas de choc violent à craindre. Car la double coque a la rigidité du fer. Pas d'incendie possible, puisque cet appareil est fait de tôle. Pas de tempête à braver, puisqu'il trouve à quelques mètres au-dessous des eaux l'absolue tranquillité. Voilà, monsieur, le navire par excellence. Et c'est moi qui l'ai construit de mes mains et dans le plus grand secret. Avant de me conduire à ma cabine, le capitaine Nemo pousse les panneaux du salon. Soudain, j'aperçois la mer comme si j'étais dans un immense aquarium. Puis il fait le point sur notre position. D'après ses calculs, nous sommes à 300 000 environ des côtes du Japon. Un après-midi, en rentrant dans ma cabine, je trouve un billet sur la table. Le capitaine Nemo nous invite à une partie de chasse sous-marine sur l'île Crespo. Sur son appel, deux hommes de l'équipage viennent nous aider à revêtir des scaphandres. Et après avoir passé un sas pour supporter les différentes pressions, nos pieds foulent pour la première fois le fond de la mer. C'est une merveille. Un essaim de petits poissons de toutes les couleurs ondule autour de nous. Et avec les rayons du soleil, les rochers et les coquillages se nuancent de toute la palette d'un coloriste. Soudain, je fais un bond en arrière. Une monstrueuse araignée de mer me regarde de ses yeux étranges, prête à s'élancer sur moi. Alerté par mon geste, le capitaine s'approche alors de l'animal et l'abat d'un coup de crosse. Aussitôt, le crustacé tord ses horribles pattes dans des convulsions terribles. Enfin, après plus de 2 heures d'exploration, nous rentrons épuisés, mais émerveillés.